L'agence de presse russe TASS, la radio sénégalaise et l'agence de presse d'internet vietnamienne Tuanzi ont présenté l'aspect heureux des femmes coréennes. Les médias ont présenté largement la supériorité de la politique de notre pays qui fait grand cas des femmes et exalté. Les femmes coréennes qui ont déploré leur destin sous la domination coloniale japonaise ont joui d'une vie heureuse grâce au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il en tant que fleurs de l'époque et du pays dans toutes les annales de la révolution. Le pensionnat des ouvrières de l'usine textile Kim Jong-su de Pyongyang, construit grâce à la direction méticuleuse du maréchal Kim Jong-un, est pour les ouvrières de cette usine le palais d'amour et foyer de bonheur, muni de toutes les conditions de vie. Le forum allemand anti-impérialiste, le comité national d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-unisme du Nigéria et l'association d'études de la politique de Sun Gun de la Grande-Bretagne ont exalté dans leur page d'internet l'apogée suprême de la dignité et de la fierté des mères coréennes grâce aux grands hommes.